Chapitre 5. Le lendemain, il présenta ses offrandes en se disant en son cœur : Si le Seigneur m'a béni, qu'il y en ait pour moi un signe manifeste sur la lame des ornements du grand prêtre. Et Joachim offrit ses dons, et il regarda la lame, ou béfoil, lorsqu'il fut admis à l'autel de Dieu, et il ne vit pas de péché en lui. Et Joachim dit : Je sais maintenant que le Seigneur m'a exaucé et qu'il m'a remis tous mes péchés. Et il descendit justifié de la maison du Seigneur, et il vint dans sa maison. Anne conçut, et le 9e mois elle enfanta, et elle dit à la sage-femme : Qu'ai-je enfanté ? Et l'autre répondit : Une fille. Et Anne dit : Mon âme s'est réjouie à cette heure. Et Anne allaita son enfant, et lui donna le nom de Marie.